Je te regarde, viens t'éloigner, je te dis au revoir. Je déménage, j'ai déplacé l'avenir pour un soir. Comme il est tard, bientôt passé et fini notre histoire. Ce remue-ménage culpabilise, le plaisir est pour moi. Ocre, kaki, vert, je souviens de tes lumières, tes yeux ocre, kaki vert, j'ai cru voir de l'atmosphère, notre amour a échoué, je regarde à la fenêtre, ce pénible sort peut-être, l'amour qui se casse la binette, ton ciel tombe sur ma tête, je ne peux plus t'aimer, nos paroles s'envolent dans l'air. En décembre, tout s'accélère, notre amour est tombé.